sûr de silo hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver hind à Brezonek. Entar Brezonek, la leçon de breton, Kentel Pem Kan Seis, leçon 507 Henri. Bonjour. 507, oui, bonjour Morgane. Madame Traugana. Ya ya, ne ce que te glem. Il n'a pas à se plaindre, c'est toujours ce que dit Henri. Henri, aujourd'hui, c'est un verbe qu'on va voir. Oui. Pour guerriou, arvuer les mots de la vie. Oui, c'est le verbe malan. Malan. Avec un tréma sur le N final. Voilà, pour que ça soit malan et pas malan. Un tréma ou un tilde? Un tilde, oui. Ah oui. Je sais pas si on dit un tilde, un tilde. Un tilde, oui. J'ai dit un tréma, mais non, c'est un tilde. Hein. Un tilde, oui. Comme en espagnol. Hein. Et qu'on trouve pas sur toutes les machines à écrire ou tous les ordinateurs. Enfin, on a du mal à trouver. On a du mal à trouver. Il faut chercher un peu. Voilà. Alors, le verbe malan, c'est un verbe qui veut dire moudre. Et c'est une très vieille racine, indo-européenne, qu'on trouve, par exemple, dans le latin mola, qui veut dire une meule. Hein. Et d'ailleurs, meule, c'est la même racine que malan. Hein. Voilà. Et on trouve ça dans beaucoup de langues. Hein. Par exemple, en cornique, en gallois, pratiquement la même chose. Et même en gaélique. Alors, c'est un verbe régulier, dont le participe passé est mal, puisque la base verbale, c'est mal. Voilà. Donc, on va trouver mal en moudre et mal moulu. Hein. Par exemple, mal en guinis, hein, moudre du froment, mal en hay, hein, de l'orge, mal en tiers de l'avoine, hein, par exemple, pour faire la fameuse bouillie, youtière. Hein. Voilà. Mal en zègle, hein, le seigle. Mal en bar, mal en pipe. Hein, le poivre, avec un petit moulin à poivre, voilà. Un mal en café, évidemment. Hein, voilà. Et mal en bouette. Alors, mal en bouette, c'est une forme plaisante de dire mâcher. Hein, moudre de la nourriture. Hein, voilà. Donc, j'ai dit que la racine était indo-européenne, hein, qu'on trouve donc la meule. Hein. Mahler, c'était un nom qu'on trouve même des fois dans certains registres d'état civil. Hein, le Mahler, hein, c'est un garçon meunier. C'est un personnage important autrefois dans le garçon meunier, qui devenait ensuite meunier en général, mais qui était souvent considéré comme quelqu'un d'un peu farceur. Ouais, qui avait millénaire. Milinaire, c'est le meunier. Voilà. Mais Mahler, c'est le garçon meunier, celui qui aide le meunier et puis qui va livrer surtout, quoi. Donc, c'est au cours de ces livraisons qu'il peut se passer pas mal de choses. Il y a une chanson où un ficelle où on a un garçon meunier dans le refrain. Là, garçon meunier! Comme ça. En français, oui. Voilà. Alors, des dérivés encore. Maladen, hein. Maladen, c'est la mouture. Hein. Et comme c'est un mot féminin, avec l'article, ça fait ervaladen. Alors, faut pas confondre avec valaden la syncope, le malaise, quoi. Benozor, valaden, hein, il a une. Ça se prononce pas tout à fait de la même façon, mais le mot s'écrit de la même façon. Donc, c'est la mouture. Hein. Alors, il y a, comme souvent, il y a le mot masculin correspondant, c'est maladur. Hein. Alors, maladure, donc la mouture. On dit malage aussi. Hein. Maleres, c'est un petit moulin, une moulinette, on dirait en français. Quoi. Dans certains coins, on dit valeres gaffe, pour le moulin à café. Ici, on dit miline gaffe. Hein. Mais dans certains coins, on dit valeres. Pour le poivre, ça pourrait se dire valeres aussi, hein, puisque c'est en général un petit moulin. Voilà. Et au figuré, c'est la bouche, quoi. En Valère, la broyeuse, quoi. C'est une forme de plaisanterie, hein. En Valère. Mais ça se dit, hein, je l'ai entendu dire. Voilà. Disvalant, c'est ruminer, hein, pour les ruminants, quoi. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on remoudre, en fait. Moudre et remoudre, hein. Malant. Voilà. Malant, zonjou, se faire des idées, enfin, oui, c'est ruminer aussi d'une certaine façon. On emploie ruminer aussi en français, oui, mal en jongeau, se faire des idées comme ça, ruminer la même chose, hein, c'est souvent assez pessimiste. Hein. Une expression avec valaden, trengeyer valaden, c'est-à-dire sa mouture est aigrie, quoi, son affaire a foiré, quoi. J'avais trouvé cette expression-là dans un article de Martial Ménard en 2006. Il y a souvent des choses intéressantes dans les articles de Martial Ménard. J'ai dit Marcel, non, c'est Martial. Non, t'as dit Martial. J'ai dit Martial. Voilà. Alors, des fois, alors d'autres expressions. Bleu de mal de minute. De la nourriture bien moulue. En fait, ça veut dire du travail bien fait. Bleu de mal de minute. Le contraire étant mal de grosse, hein, quelque chose de fait rapidement et pas de façon efficace. Alors, un proverbe aussi, une expression proverbe, deux endour avaient malet, puis Hervé endour avaient malet. C'est-à-dire, ça parle des moulins à eau, parce qu'il y a des moulins à eau et moulins à vent, et des moulins à marée aussi, hein, dans certains coins, au bord de la mer, de préférence. La marée ne remonte pas dans les rivières. Voilà, donc, deux endour avaient malet, ça veut dire, en fonction de l'eau, on pourra moudre, plus ou moins. Et on fait avec ce qu'on a, quoi. J'aime bien ce proverbe-là, quoi. Voilà. Une autre expression avec mal. Mal en même bleu de dermot. C'est-à-dire moudre toujours le même. Rabâché, radoté, oui. Quand de rigose, mais mal en même bleu de dermot. Quand de rayon anglais. Quand de rayon anglais, je vous m'en voilà. Eh ben, je vais finir sur ça aussi. Hein. De svedour, vraiment, là, j'aime beaucoup ce proverbe-là, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a des contraintes, hein, on fait avec ce qu'on a. De svedour, vraiment, là. Bon. Eh bien, on en reste là pour Garou Arvué. Voilà. Et on passe à Brezhoneg Tamatam. Brezhoneg Tamatam, on part à Zantolek, comme d'habitude, Henri. Oui, on va voir, Charnik est allé voir Job Nedelec, qui organise une petite fête à Zantolek qui s'appelle Troer Barous. Salut Job, Clévin Meus Vogret Prestik, Troer Barous, ma Zantolek. Ja, Charnik, en drase, zo zavet, gant blenio Zantolek, a gant tud bugal erskol. A Petra Vogret, neue. De diantor vale aden tro dro de zantolog, de der o aler kreiste, war o le hanter. Le hanter? Yar wer gilomen ma peswan. Er vale aden ze vo gasoen dud war guno gene war vro. Aba milin kermakal vo rodor bonar eviter in ezeret. Waler vale aden vo gwelet il is an tolek a giwan un du a person ez is ple go pif traden dut. Waler ze vo eve do bon. Roas! Ya, med evajou skan trao he balkol an evajou vresk. Ne vo ke gist? Hage, giz d'ur bar ouz me mestra vo evel just. A waler, halon dut di beyon tam war blasen, bouet de zevro evel just. A goudeze vo zonad ag banilis gant kan erien a zon erien, de zevro. A ma ve bra an amzor vo grel on tam feznon ouz war a blasen. Ma, tre jom. Chans vat d'or gant an amzor. Ya, ken avo na han, chanik. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue. Entre Job et Chanik. Chanik, elle est un peu ironique des fois avec Job. Des fois, oui. Donc Chanik, c'est la fille de la radio. Ouais. Salut Job. Clévet meus vogret prestik, trois barous, bazantolok. Voilà, j'ai entendu. Bonjour Job, j'ai entendu qu'il y aura bientôt le tour de la commune, hein, à Zantolok, trois barous. Ils ont pris l'idée de Bulat, peut-être, non? Non, non, mais c'était. Ils faisaient trois heures chapeliou, là, et ils ont continué. Ya Chanik, andrazé vos grètes gant bleu-nous en tolek, à gant tut bugal et à school. Oui, cette chose-là sera montée par l'association bleu-nous en tolek, hein, qu'on connaît bien, et par les parents d'élèves de l'école. À Petra vos grètes, non? À Petra vos grètes, c'est, hein, qu'est-ce qu'on fera donc, hein? Da gentan, ar valet aden trodro en tolek. Voilà, pour commencer. Donc une promenade, hein, autour de Santolk. De derer war l'air crêché. Oui. War l'enter. À 3h de l'après-midi, sur une lieu et demie. L'enter, demande Chanik. Oui, elle s'étonne, hein, de l'emploi de cette mesure. Une lieu et demie. Ya, 6 kilomètres, ma carite. Oui, 6 kilomètres, si vous voulez. Alors normalement, il n'y a pas de mutation après 6, après Rouer. Mais ici, à Pemrit et à Zantolk, et à Trémargat, on dit Rouer kilomètre. Je me demandais aussi. Non, je rigole. Alors, Valé Adenze, Agasson Dut, ou Arguen au Genou, Arbarous. Oui, alors cette promenade, hein, emmènera les gens sur les sentiers, Arguen au Genou, Arbarous, de la commune. Ah bah, Miline Kermakal, et vos rouen en banard, et vite terrir zéret. Et au moulin de Kermakal, on donnera un petit coup aux gens, un coup à boire, pour casser la soif. War l'air ar valaden et vos gouelettes ilis en tolok. Oui, alors après la promenade, on visitera l'église de Zantolok. Iwan en du, ar personne n'a zisplego peptra dans dut. Oui, donc c'est Iwan en du, hein, le recteur qui expliquera tout aux gens. War l'air et vos évés d'arbor. Et ensuite, on boira un verre. Roas? Encore? Des Chanik. Ya, mais Eva Jouskan. Oui, mais des boissons légères. Et pas alcool. Sans alcool. Eva Jouskan à fresque. Et fraîche également. Hein. Légère et fraîche. N'est vaut que giste? Il n'y aura pas de cidre. Ah, gueu. Giste à bar ou se veut juste? Oui, mais le cidre, c'est pas de l'alcool. Hein. C'est le cidre de la paroisse. Oui, c'est le cidre de la commune, quoi. Fait sur la commune. Avoir l'air. Ralandut d'Ibrin Warandachen, bouette de Zavro, ville juste. Voilà, et ensuite les gens pourront manger sur place de la nourriture du pays, bien sûr. À Goudézé, voir Zona Adek Banilis, Gand Kanerien, Azanerien de Zavro. Et ensuite, il y aura un concert dans l'église avec des chanteurs et des sonneurs du pays. À Mavé Brau en Amzer, et vos grès d'un temps festos, War Arblasen. Bon, et s'il fait beau, on fera un petit feston sur la place. Ma très job. Chance va d'or, gant en amzer. Oui, bonne chance avec le temps. On ne sait jamais. Hein. Ben non, on ne sait jamais. Même à Zantolok. Même à Zantolok. On passe à la troisième partie. Dans un tout petit instant, Petra Zone et Vervron. Thank you. Petra zo nevez ar vro eri. Ma kalz e dro evel just bo ar vez di ouzan. Krogomp de diantan evel kiz a kustum gant eo labour douar hag e vue war ar mez. Tramen a de bremañ an eve amzan hag eo eo ban nan. Alize ve e plije de ur ger ar gwat evit komp de skreiz breiz da la rade bro ar c'hoat gwejel gos e oa evel just kalz e gwadou ba vro am. Med bremañ neus ket chie metin, pe dur neus ket me perz ek dregan deus dou ar breiz hag eus o golo eut gant kwadou. Pe zezo neuptor vid lerel bro vrañs. E breiz zezo ar dro eis kant mil devezar a kwad bon hag bremañ ve klask de ledan a don tamm hag zikour an dud de rad blant o kwad pe dur zo bet troc e kalz o gwad med evel juz o ezam de rad lak a c'hoaz. Ur c'hoad evel juz o ur bint vidigez evit ur vro. Setu perek ve klask de zo ged ur rak tres evit zikour un dud de bon, lant o kwad me kwad ou braz war mo a dro c'hoer de vezar ad borpe de neup tan. Rak tres ez o haunet breiz fore boa. Hag war a bempla o ton vo laket o deg milion euro yo gant stat gant ur hant vro, gant bro Europa, gant departement chou, evit zikourze. Evit hag hant bro breiz zo in kark deus henchou en trou. Setu vo gret ze prestik. War dachen e lez, bremañ, ve komp ze kalz, pe dur na ke gwell ar en trou, boe zo bet kudenou, mam eus priz, ne chom reizel vi peo hargou. Setu vo red kad on disklum beneken, med de veke gwell et gwell ger, pe sa hini oaz. O ar dachen un ekonomi eus oaz. D'un dri et zul deus ur mis, deus ur mis even, boe bla hant ur kant ve lidet gwell en tadou. Hag gouderet gant piou e bedi gilet en draze? Non. Ben gant on den a oa ba pen ur stal flaminaire. Karme oa e haun, hag hez ne jonget ober gwell en tadou evit gwerzan brikeio. Hag oa belans gant flaminaire, ba bla hanter kan, gwell an tadou. A daoula oa l'air oa bet lakaze oa ar mod officiel, oa bet lanset gwell an ba bla daoua hanter kan, gwell an tadou. Setu boe veget gwell an tadou. Bon, brikei oa matrez en vek gwerz a tiemet, pu dur an eus ket tiemet dut o vutunat, med bon, chomede ar gwell an tadou. Gwell ar mam oa vije gred abretor, pe dur oa bek rouet ba bla o nan a daou ugen. No bla rog. Gant petain? Gant petain, ya. Ba e petain, bo pet. Ya. Ya, pe ve komze deus ekonomi eus oaz, on dra ave gwerz matre war ar bet, ji oaz, e un armou. An evesoz o bet ba Satori, salons un armou, Satori zo tos de Versailles, avec red et non salons un armou. A gaz ve gwell tout pesonné war an dachen ze, pe sa mod la rotud un homo de fe du so. Hag de se neus ke be klev kom skals, on tam pen ad oa me stra ba an oest eklair, met ve ke kom se kals de se. Hag bon, gwell ar vek an de media yo kom de zen eurofoot, vi kom de salons un armou ou ba. Ba Satori, bet a gout te fe en dud de breder yon reol war traudis. Kom se fe a liz de mar eman ba gwen gamm de ze nis prefeti. Ka ma trez en vo zer de nis prefeti. Gounore de boe Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, oa mes din France. Hag boe o houls ve or nis prefeti, ba pep departement zo or prefeti, a din dant zo nis prefeti. Hag ba pen a nis prefeti zo nis prefet, a sous-prefet au champ la renoyen. Bon, hag ma trezen ne vo ketin is prefet bet ba gwen gamin. Pez ve fe bet glahar us vit pen o bras, pe dur nis prefet zo un tamm ve le mest, war mer yo evro me peswan ave Pevegwell de Onemvo de Grandmerio Evro, Arventun de Drodan, Castosta de Nisprefe, de Vitvefebe de Red, Undrobe Necket Babarus, Zizo Fentusoir de Veledam. On Nisprefe de Wabit, a Gueoende Neves, on a Niwa, on l'a retine Benefine Nisprefe de Gervijek de Galzedra, mais non que de l'art, puis ça rend Wahis. Mais de bon quelle de vos pièces à mode vos comptes m'avait collé de Nice préfet bah Gwengam fait je n'aime ce compte en d'art de histoire vro à bon calze dudes au diden de grande histoire vro puis dur n'une que bes clèves comme de zé bascol à c'est une ronde de zis qui ont drame naked d'ivoir ben histoire vro à gne vaisseau d'asquires ou en d'in de sploisal Alain Chanel, il rend, à ne se grède au lever, war histoire vro, parce que, well, le lever was, mais rend veut dire, ils ont eu des chapeaux ronds, bon, végel, moi, comme je tarde déjà de Jean Kergris, donc de Had Combs de C, PV Combs de Barus Penecket, Galak bopet ve klaske de reid o nang de tu de vro, tu de barous da skoer, ba rostren e rostrenoa, ba gwen kan be gingampe, ba karez e karezien. Bon, e brezon de kaidermad ve lar tu de zon igounun, tu de purut. Vejo ve lak ed is da skoer tre margadis, hein. Très margadis à Christenien, m'en en est les camps en blouen, zéwa ba cantique, il trône varia très margad. Bon, mais de, urbar ou zo, ne ce que de hang bit, un dune n'en que hang bit, un homo d'officier, les bokeo, puis bosca, brison de, c'est une mon classe que, or nang beneket, hein, ma treize n'en faugrède au, Or vota de visé hein de Zibab autres boquetien boscasien bon bocasien gocavien ouais que pèse vos Zibab là quand tu de beaucoup velan raison de ma treize un tas de brosco hein n'est que sco suro une galag mais n'est que zure hein bon quoi de vos pèse Et ça rend le vos petits barbes ganté. Végenant, ce recontendard de ce gouren, aux zones tombes de ce glade orvro, un les vaisseaux, au bédo, au nemgav, vide de gourenérien orvro, bah, brest, agor plar de ce yowang de ce kirgris moelou, ne stape de, mode vide bro europa, hein. Ma sainte peut se bécler, c'est Morgan Philippe et Iran, hein. Hag bonne chance vart e war an ens. Kalze dud zo bene vesso ba kours au tiez ek ba rostren, war dro pemi le dud. Hag blanman oa begret la bourie oa an hippodrome, a vel velard, un brezon ne gen mat. Hag gal, mam goz la redis, derek d'or an tron hippodrome. Bon, hag bon, de houl se vi. Pe wan yo an vije komze de ze course ou quatrain. A ben e bla vo gred vo lid kan a hantor kan de a bla course ou rostren. A gan se zo pel zo boe. Bon. Neus ket gwall bel zo, zo bet konkour zon erien ba la ru an ya. Hag maout souet kan Daniel Philippe a Gwendal Bertou. Velkiz a custum. Hag bon chance zoate de gant ur maout ba gourin. Hag un deel oa lidet ba mel karez en inor de Glenmore or gize laden hein, gezo begret gant fange venar hag vid pudur Glenmore zo mar ugen lasso. Noak de roas pempla a trugen. War bouez o zun, jebet pempla a trugen a gansé, e mario wang benefin. A hez neus bon vejenamzor fe kled Oise, War RKB, Tonio de Glenmore, Matrezen Vefebid, Mal, Alakan Mur, Bonne, Mime Plichard, Urder, Mant, Kled, Tonio de Glenmore, Ag Neveso, Zobelid, Dive, un Degla, Mir, Di, Ermaner, Yuba, Ba Bodilio, Ba Parouz, Bulad, Jon, je peux, soin bête, hein, au Vich, au Nabad, là. Ag Bonne, Croue, Debit, Grand Michel Morel, Agaz, Aze Veguel, Calzedrau, avec Gret Calzedrau, Dalarabouan de Montevelet. Bon, c'est une tombe de spice de Neve et Evro. Ben Végel, voilà, Roas. Qu'est-ce que nous, Eri? Ya, qu'est-ce que nous, Morgane?